Peu après, alors que le vieux général Seward est rassuré que son fils soit mort en héros, les vainqueurs, devant la tête de Macbeth, plantés au bout d'une pique, saluent tous Malcolm comme roi d'Écosse. Et Malcolm conclut ainsi la tragédie. « Nous ne ferons pas une large dépense de temps avant de compter avec tous vos dévouements et de nous acquitter envers vous. Barons et cousins, dès aujourd'hui, soyez comptes, les premiers que jamais l'Écosse ait désigné par ce titre. Tout ce qu'il reste à faire pour replanter à nouveau notre société. Rappelez nos amis exilés qui ont fui à l'étranger les pièges d'une tyrannie soupçonneuse. Dénoncez les ministres cruels du boucher qui viennent mourir et de son infernale reine qui s'est, dit-on, violemment ôté la vie de ses propres mains. Enfin, tous les actes urgents qu'ils nous réclament, nous les accomplirons, avec la grâce de Dieu, dans la mesure, le temps et le lieu voulu. Sur ce, merci à tous et à chacun. Nous vous invitons à venir à Skåne voir notre couronnement. »